Chapitre 9e. Un mois après, Raoul Guérac épousa Madame de Logel. Comme le voyageur en proie au vertige se laisse rouler dans l'abîme, comme l'oiseau fasciné se laisse choir dans la gueule du serpent, il s'était jeté dans ce mariage sans hésiter mais non sans réfléchir. Où étaient ses garanties de bonheur? Du passé d'Aurélie, quelle conclusion a tiré pour son avenir? Il fut mort si elle ne lui eût appartenu. Quand elle lui appartint, il se dit que sa vie serait un enfer. L'enfer, il le recelait en lui-même, car sa femme possédait réellement les vertus les plus solides, jointes à une incontestable élévation d'esprit. Son unique défaut était une coquetterie excessive. Elle poussait à l'extrême la recherche de sa personne, la peur des critiques et la soif des adulations. À part ce joli péché, rien n'indiquait en elle des penchants pervers. Rien surtout ne faisait comprendre son intimité avec le sieur Gibson. Or là était le souci rongeur de Raoul. Bien que depuis la bénédiction nuptiale, aucune allusion au secret maudit n'eût été effleurée, ce secret emplissait sa mémoire et y versait l'incurable poison d'une jalousie rétrospective. Tour à tour radieux et misérable, Guérac réalisait le phénomène d'adorer ce qu'il n'estimait pas. Sa passion se mélangeait de haine. Un souvenir exécré traversait toutes ses joies. Au milieu même des caresses d'Aurélie, il la contemplait parfois d'un air féroce, et pareil à Othello, il l'eut sans remords étouffé dans un embrassement. Cette situation ne pouvait se rompre autrement que par une catastrophe. Le hasard la détermina. Un soir, au détour du boulevard des Italiens, Raoul heurta par mégarde un promeneur. Il allait lui offrir des excuses lorsque soudain la voix lui manqua. À cette encolure énorme, à ses favoris abondants, à ses chaînes, à ses bagues, à ses épingles d'or, il avait reconnu son cauchemar. C'était lui, c'était Gibson. Guérac rentra, tremblant et défait. Aurélie était-elle instruite du retour de cet homme? S'était-il revu? Avait-il renoué? Le trompait-elle déjà? Que faire? Que craindre? S'il y avait péril, comment le conjurer? S'il n'en avait pas, comment le savoir? Livide, frissonnant, le sang aux yeux, l'injure aux lèvres, et pourtant calme en apparence, il épia sa femme avec une attention sauvage. Elle, souriante et sereine comme toujours, elle s'effraya peu à peu de la contraction des traits de son mari, et naïvement, elle lui conseilla de se coucher. Était-ce innocence, était-ce raillerie, était-ce empire sur elle-même? Raoul se retira et sa nuit équivaut à 10 ans de galère. Aux premières lueurs du matin, la prostration le vainquit par degrés. L'aube fraîche et le gazouillis des oiseaux dans les arbres du jardin apaisèrent sa fièvre en lui soufflant des pensées meilleures. Il se rappela le caractère loyal d'Aurélie, son affection si vraie, son horreur du mensonge. Il se raisonna, il se gourmanda, et résolut enfin de lui avouer ses soupçons, ne fût-ce que pour s'en faire démontrer l'injustice. Vers 9 heures, il s'habilla et courut chez sa femme. À mi-chemin, il rencontra Mariette. « Votre maîtresse est-elle visible ? » demanda-t-il. « Madame est sortie, » répondit la soubrette. « Sortie ? » répéta-t-il, stupéfié. « Où est-elle ? » « Au bain. » Guérac devint blême. Au bain. Ce prétexte, vieux comme le plus moussu des romans de mœurs, l'atterra par son absurdité. Au bain. Depuis quand prenait-elle ses bains au dehors? En une seconde, il se jugea trahi, joué, déshonoré. Il n'articula point un mot. Il glissa un pistolet au fond de sa poche et s'élança dans la rue. Un quart d'heure après, il arrivait à la place Lafayette. Un fiacre stationnait non loin de l'hôtel du Mississippi et au seuil de cet immeuble, M. Arthur Champitrel, en habit noir, une serviette sur son biceps, paraissait étudier les variations de l'atmosphère. Quand il aperçut Raoul, une vénération profonde se répandit sur son masque blafard. « Monsieur l'agent supérieur » murmura-t-il en s'inclinant au niveau du trottoir. Mais aussitôt, l'aspect bouleversé du prétendu agent le glaça d'épouvante. « Qu'y a-t-il, mon Dieu ?» balbutia l'hôtelier. « Écoutez et répondez, » fit Raoul d'un ton bref. « J'écoute et je réponds, » dit Champitrel, dont les dents claquèrent. « L'Américain est ici ? Oui, monsieur. Avec une femme ? Oui, monsieur. Venu dans ce fiacre ? Oui, monsieur. Ils sont seuls ? Oui, monsieur. » En deux bonds, Guérac escalada les 25 marches. Une fois sur le palier, il s'adossa au mur. Ses jambes se dérobaient sous lui. Un ricanement sinistre lui déchirait la gorge. Il reprit haleine et sonna. Plusieurs minutes s'écoulèrent. Puis un pas majestueux fit craquer les feuilles du parquet et M. Gibson, en négligé galant, montra sa tête frisée. Il est à croire que le profil de Raoul lui déplut car il grommela encore la police et il voulut refermer la porte. Guérac le repoussa d'un vigoureux coup d'épaule et entra. « Monsieur, beugla l'homme obèse en son patois britannique, je suis un citoyen libre, un enfant des États-Unis, et votre police ?» Raoul l'interrompit en se dirigeant vers une seconde pièce séparée de l'autre par un rideau de velours. M. Gibson se rua devant ce rideau. « Monsieur, dit alors l'époux outragé qui exhiba son pistolet, ma femme est ici, je le sais. Je la surprends en flagrant délit d'adultère et la loi me donne le droit de vie et de mort sur elle et sur vous. Allons, livre-moi passage ou je fais feu. » À ce discours, M. Gibson n'entendit rien par la raison qu'il était sourd. Mais la terreur le rendit brave. Il fondit sur son adversaire, se cramponna à son poing et après une courte lutte, lui arracha l'arme meurtrière qu'il envoya brusquement sous un meuble. En revanche, Guérac, exaspéré, l'empoigna par la cravate et le lança presque étranglé au milieu de cette chambre mystérieuse dont il avait défendu l'accès. La victime tomba comme une masse aux pieds d'Aurélie, car elle était là, debout, effarée, sans châle, sans chapeau et les cheveux en désordre. « Vous, Raoul ! » exclama-t-elle. Lui, haletant, énervé, écumant, croisait les bras sur sa poitrine et ramassant le dégoût qui débordait de son cœur, il en chargea son regard pour le lui lancer à la face. « Raoul ! » répéta Aurélie. « Vous êtes une infâme !» prononça-t-il lentement. Chancelante, elle recula. Mais tout à coup, elle se précipita sur lui et l'enlaça, en exhalant une clameur aiguë. Voici pourquoi. L'Américain s'était relevé. Il avait ouvert un tiroir et marchait sur Guérac un revolver dans chaque main. « Place, madame » hurla-t-il. « Laissez-moi tuer cet espion, ce bandit, ce voleur !»« Lui ?» dit la jeune femme indignée. Elle s'approcha de M. Gibson et lui cria aussi fort qu'elle le put. « C'est mon mari !»« Votre mari ?» grommela le gros homme, évidemment pétrifié. « Votre mari ? Diable !» Là-dessus, et sans transition aucune, il recouvra son sang-froid, désarma ses revolvers et salua Guérac. « Prenez donc la peine de vous asseoir, » dit-il en lui présentant un fauteuil. À ce dénouement inattendu, Raoul eut la mine d'un dormeur qu'on réveille en sursaut. Il s'abattit, muet, sur le siège désigné. La jeune femme se tourna vers lui. « M'expliquerez-vous maintenant, » reprit-elle, « ce que signifie ce tapage ? M'expliquerez-vous surtout le sens de vos odieuses paroles ?» Du rôle d'accusateur, Raoul passait à celui d'accusé. Il sentit que son crâne éclatait. « Au nom du ciel !» balbutia-t-il. « Que faites-vous ici ? Quel est cet individu ? Bon, allez-vous feindre de l'ignorer ? Feindre ? Je l'ignore parfaitement. Alors, monsieur, votre conduite a été indigne. M'avoir abusé à ce point, plaît-il ? N'avez-vous pas juré connaître mon secret ? Je connaissais vos visites chez cet homme. Eh bien, je commence à espérer que je me suis méprise sur leur but. Leur but ? Répéta la jeune femme. Puis éclairé par une idée subite. « Ah, mon Dieu, est-ce que par hasard, vous auriez cru ?» Ici, une hilarité convulsive la renversa, demi-pâmée sur le divan. « Aurélie, Aurélie !» s'écria Raoul éperdu. « Il est certain que je suis un sot, mais ayez au moins la charité de m'en convaincre !» Aurélie étouffait. Les gammes de son rire se succédaient en arpèges éblouissants. « Morbleu, qui diantre êtes-vous en définitive ?» vociféra Guérac au nez de M. Gibson. Le grand personnage avait deviné ce dialogue. Il sourit d'un air bonhomme et riposta. « Comprenez-vous l'anglais ?»« Oui. Lisez. » Là-dessus, il tendit à Raoul une carte imprimée dont voici la traduction fidèle. « Dan Gibson. Garantie inaltérable de couleur et de matière, posée sans extraction, ligature ni crochet. 127, Regent Street, Londres. »« Un dentiste ?» murmura Guérac abasourdi, rayonnant, pétrifié de joie, de confusion et de surprise. Et tombant aux genoux de sa femme, « Oh, pardon, ma vie entière suffira-t-elle pour expier mes doutes injurieux ?» Aurélie ne riait plus. « Attendez, » bégayait-elle avec un embarras visible, « vous ne savez rien encore. » Et je frémis en entendant la voix des aveux. « C'est donc bien effroyable. Jugez-en mon ami. » Il me manque, achevé, une dent. Voilà tout. N'est-ce point assez ? Ah, Raoul, quand j'ai commis la maladresse de me la briser il y a 3 ans, je faillis devenir folle. C'était sur le devant, c'était une incisive, c'était horrible. Enfin, M. de Logel, témoin de mon désespoir, se souvint qu'il y avait à Londres un artiste merveilleux. Lui seul au monde, m'assura-t-il, réparait ces désastres-là de manière à braver l'œil le plus exercé. On écrivit à ce grand homme. Il consentit à risquer le voyage incognito. L'opération réussit à souhait, et dès lors, M. Gibson, mon sauveur, ma providence, a eu la bonté de venir inspecter de temps en temps son chef-d'œuvre. « Hurrah pour M. Gibson !» exclama Garrick, enthousiasmé. « Cher enfant, voilà donc le crime que je vous menaçais de divulguer. J'en fusse morte de honte. Coquette, mais puisque vous me supposiez au courant du mystère, pourquoi, depuis notre mariage, ne m'en avez-vous pas parlé? Comment le quiproquo ne s'est-il pas éclairci 20 fois ?»« Ah » soupira-t-elle en rougissant. « Il est de ses défauts qu'on ne se rappelle pas volontiers, même à son mari. » Raoul, ivre de bonheur, l'étreignait avec passion. Puis, courant à l'Américain, « Monsieur Gibson » cria-t-il aussi fort que ses poumons le lui permirent. « Monsieur, je vous ai souvent tourmenté. C'est vrai. Je le regrette et vous offre mes excuses. Elles sont acceptées. Votre main, la voici. J'ai été jaloux, Gibson. Oui. Vous ne l'êtes plus? Ma foi, non. Alors vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que je déjeune? Au contraire. » Et Raoul glissa sur la cheminée un portefeuille honnêtement garni de billets de banque, tandis que M. Gibson s'élançait vers l'escalier en criant « François, ouvrez les switches !» 5 minutes après, les deux époux, ou plutôt les deux amants, roulaient côte à côte dans la direction de leur hôtel. Qui le croirait? Une larme furtive brilla dans les beaux yeux d'Aurélie. « Ah ! » dit tout bas Raoul, « vous ne m'avez pas pardonné, méchante. Ce n'est pas cela, » murmura-t-elle. « Qu'est-ce donc ? Une pensée triste. » « Raoul, vous connaissez mon secret. Le véritable, cette fois. Eh bien, vous me trouverez laide, et tu ne m'aimeras plus. » Raoul attira sa femme contre son cœur, ce qui, bon gré malgré, la fit sourire. Et comme en souriant, elle découvrait ses dents charmantes, il profita de l'occasion et mit un baiser sur ses perles. Quoi? Même sur la perle fausse? Oui, lecteur, je n'eusse pas mieux répondu. Et vous? Ainsi s'achève Secret de femme, étude parisienne, par Eugène Berthoud.